À cracher, c'est nouveau. Je croyais que ça venait de l'ampli, c'était la guitare qui faisait. Ouais, un point de micro. Mexicain, ouais. Le Mexicain, il passe pas aussi bien. Hein. Alors j'ai repris ma bonne vieille chinoise. Thank you. Putain, je vois plus les accords. Non, mais c'est une Telecaster Maxic. Elle marchait super bien. Et là, tout à coup, j'ai dit c'est bizarre, l'ampli. Ils écrivent, ils crachaient. Et j'avais vraiment pas pensé à la guitare. Donc, j'ai changé. Et puis, putain, c'est pas possible. J'ai changé de cordon, tout ça. Du coup, je change la guitare. C'est la guitare. Celle-là, ça le fait plus. Alors, j'ai une strato aussi, mais elle est rangée. Je suis faible, c'est normal, c'est des micros chinois. Bah, qu'est-ce qu'il met la batterie? Ça marche plus ma batterie aussi, il n'y a plus rien qui marche. Mais bon, ça marche, mais il faut 3 heures pour le. Tu vois, c'est. Ah, bah d'accord, je fais 125. Putain. Tu vois, ça me fait synchroniser avant, ça marchait super bien aussi. Rien qui va, genre. Si je pars pas sur le 1, ça va décaler. Eh merde, raté. Je vais vous casser les couilles avec ce truc.